t'en rappelles ou quoi? Eh, la belle époque. Ce que j'ai sur le cœur. Explique-leur la famille. Ok. Ce soir ça va mal, okay. La vie est brutale, j'essaye la brasse dans un océan rempli d'algues. Je revendique mon droit d'expression sur cette terre. Plus rien à faire, ma haine est dans mes artères. Moi je donne mon amitié, on me crache à la gueule. Regarde les haineux, veulent me voir dans un cercueil. Pourquoi tu me questionnes, je me retrouve sans boussole. Si tout le monde est parfait, ben je suis personne. Ma vie c'est comme une basse, il faut l'équaliser. Si t'as pas l'équaliseur, et ben c'est mal barré. J'ai choisi comme Blaze MC Braco, car mon cerveau est le gun de mon micro. Moi j'ai jamais eu de chance avec l'amour. Regarde mon parcours, c'est l'inverse de ces joies pour. Je te le dis, rien à faire de ce que tu penses. Pour moi, le rap restera ma plus grande expérience. Trop de gens veulent me plomber, me tromper. Trop de gens veulent me boycotter sans pomper. Plus rien à dire, rien à faire, rien à faire. Je sais que toujours la merde et que je me rendrai fier pour que je puisse éviter ce putain de milieu carcéral. Mais regarde la dalle, ainsi sur le mental. Nos liens scandale, pire que les dentales. J'suis mélancolique et prêt à tirer des balles. Tous condamnés à galérer dans nos têtes. Écoute les problèmes ici, y'en a sans cesse. Crois-moi, la vie est dure et même le temps nous presse, on a la haine. Normal, chaque jour on enquête, regarde bien. Trop de keufs dans les halls, dollars du destin, on fait du mal au bien. Au micro c'est mon venin que j'viens cracher. Déçu par des mecs considérés comme meufrés. Dans les moments difficiles, y'a jamais personne. Crois-moi, des hypocrites ici, y'en a des tonnes. J'ai toujours bu la tasse lorsqu'il ne fallait pas. Toujours été furace, même si je ne pleurais pas. Hey. De nos jours y'a plus de respect, même notre aspect ne les laisse plus perplexes. Regarde ma vie, que des fractures et ratures, que des embrouilles, des patrouilles et des bavures. Et même en ce moment je n'arrive plus à trouver le sommeil. La nuit c'est le jour et la lune remplace le soleil. Ma vie n'a plus de sens, chaque jour je repense à tous ces chiens. Et derrière moi beaucoup manigancent, et même le chétan me sourit quand j'y rénère. Alimenté par la haine, rien qu'on jure sur nos mères. Trop de pères en peur, trop de fils en tort. Aujourd'hui je vais revendiquer mon désaccord. On est tous condamnés à galérer dans nos têtes. Écoute les problèmes ici, y'en a sans cesse. Crois-moi, la vie est dure et même le temps nous presse, on a la haine. Normal, chaque jour on enquête, regarde bien. Trop de keufs dans les halls, dollars du destin, on fait du mal au bien. Au micro c'est mon venin que je viens cracher. Déçu par des mecs considérés comme meufrés. On est tous condamnés à galérer dans nos têtes. Écoute les problèmes ici, y'en a sans cesse. Crois-moi, la vie est dure et même le temps nous presse, on a la haine. Normal, chaque jour on enquête, regarde bien. Trop de keufs dans les halls, dollars du destin, on fait du mal au bien. Au micro c'est mon venin que je viens cracher. Déçu par des mecs considérés comme meufrés. On reste en bagneux là, avec la famille.